la marquise de Brinvilliers. Quatrième partie. La chaussée subit la torture des brodequins, qui consistait à lier chaque jambe du condamné entre deux planches, à rapprocher les deux jambes l'une de l'autre par un anneau de fer, et à enfoncer des coins entre les planches du milieu. La question ordinaire était de 4 coins, la question extraordinaire de 8. Au 3e coin, la chaussée déclara qu'il était prêt à parler. En conséquence, la question fut suspendue, puis on le porta sur un matelas étendu dans le cœur de la chapelle. Et là, comme il était très faible et pouvait parler à peine, il demanda une demi-heure pour se remettre. Voici l'extrait même du procès-verbal de la question et exécution de mort. La chaussée relâchée de la question, mise sur le matelas, monsieur le rapporteur s'étant retiré, une demi-heure après, la chaussée le fit prier de revenir. Il lui a dit qu'il était coupable. Que Sainte-Croix lui a dit que la dame de Brinvilliers lui avait donné les poisons pour empoisonner ses frères, qu'il les a empoisonnés dans de l'eau et des bouillons, a mis de l'eau roussâtre dans le verre du lieutenant civil à Paris et de l'eau claire dans la tourte de Villequoix, que Sainte-Croix lui avait promis 100 pistoles et de le garder toujours près de lui, qu'il lui allait rendre compte de l'effet des poisons, que Sainte-Croix lui a donné les dites eaux bien des fois. Sainte-Croix lui a dit que la dame de Brinvilliers ne savait rien de ses autres empoisonnements. Mais il croit qu'elle le savait, parce qu'elle lui parlait toujours à lui, la chaussée, de ses poisons. Qu'elle le voulait obliger de s'enfuir et lui donner 2 écus pour s'en aller. Qu'elle lui demandait où était la cassette et ce qu'il y avait dedans. Que si Sainte-Croix avait pu mettre quelqu'un auprès de madame Daubré, la lieutenante civile, il l'aurait fait peut-être empoisonner à son tour. Enfin, que Sainte-Croix avait envie sur la demoiselle Daubré. Cette déclaration qui ne laissait aucun doute donna lieu à l'arrêt suivant que nous extrayons des registres du Parlement. Vu par la Cour, le procès-verbal de question et exécution de mort du 24 du présent mois de mars 1673, contenant les déclarations et confessions de Jean Hamelin dit La Chaussée, la Cour a ordonné que les nommés Belleguise, Martin, Poitevin, Olivier, le père Véron, la femme du nommé Quédon, perruquier, seront ajournés à comparoir à la cour pour être oui interrogés sur les cas résultant du procès par devant le conseiller rapporteur du présent arrêt. Ordonne que le décret de prise de corps contre le nommé Lapierre et l'ordonnance d'assigner contre Pénautier pour être oui, décerné par le lieutenant criminel, seront exécutés. Fait en Parlement, le 27 avril 1673. En vertu de cet arrêt, les 21, 22 et 24 avril, Pénautier, Martin et Belleguise sont interrogés. Le 26 juillet, Pénautier est déchargé de l'assigner. On ordonne qu'il sera plus amplement informé contre Belleguise et l'on décerne un décret de prise de corps contre Martin. Le 24 mars, la chaussée avait été rouée en grève. Quant à Exili, le principe de tout mal, il avait disparu comme Méphistophélès après la perte de Faust, et nul n'en avait plus entendu parler. Vers la fin de l'année, Martin fut relâché à défaut de charges suffisantes. Cependant, la marquise de Brinvilliers était toujours à Liège, et quoique retirée dans un couvent, n'avait point renoncé pour cela à l'un des côtés les plus mondains de sa vie. Bientôt consolée de la mort de Sainte-Croix, qu'elle avait aimé cependant, au point d'avoir voulu se tuer pour lui, elle lui avait donné pour successeur un nommé Théria, sur lequel il nous a été impossible de trouver d'autres renseignements que son nom plusieurs fois prononcé au procès. Ainsi qu'on l'a vu, toutes les charges de l'accusation étaient successivement retombées sur elle. Aussi résolut-on de la poursuivre dans la retraite où elle se croyait en sûreté. C'était une mission difficile et surtout délicate. Desgrais, l'un des exemples les plus habiles de la maréchaussée, se présenta pour l'exécuter. C'était un beau garçon de 36 à 38 ans, chez lequel rien ne dénonçait le suppôt de police, portant tous les costumes avec la même aisance et parcourant tous les degrés de l'échelle sociale dans ses déguisements, depuis le croquant jusqu'au grand seigneur. C'était l'homme qui convenait, aussi fut-il accepté. Il partit en conséquence pour Liège, escorté de plusieurs archers et muni d'une lettre du roi adressée au conseil des 60 de la ville, par laquelle Louis XIV réclamait la coupable pour la faire punir. Après avoir examiné la procédure dont Desgrais avait pris soin de se munir, le conseil autorisa l'extradition de la marquise. C'était déjà beaucoup, mais ce n'était point assez encore. La marquise, ainsi que nous l'avons dit, avait cherché asile dans un couvent, où Desgrais n'osait l'arrêter de vive force pour deux raisons. La première parce qu'elle pouvait être prévenue à temps et se cacher dans quelqu'une de ces retraites claustrales dont les supérieurs ont seuls le secret. La seconde parce que, dans une ville aussi religieuse que Liège, l'éclat qui accompagnerait sans aucun doute un pareil événement pourrait être regardé comme une profanation et amener quelque soulèvement populaire à l'aide duquel il deviendrait possible à la marquise de lui échapper. Desgrais fit la visite de sa garde-robe, et, croyant qu'un habit d'abbé était le plus propre à éloigner de lui tout soupçon, il se présenta aux portes du couvent comme un compatriote arrivant de Rome et qui n'avait pas voulu passer par Liège sans présenter ses hommages à une femme aussi célèbre par sa beauté et ses malheurs que l'était la marquise. Desgrais avait toutes les manières d'un cadet de bonne maison et était flatteur comme un courtisan, entreprenant comme un mousquetaire. Il fut dans cette première visite charmant d'esprit et d'impertinence, si bien qu'il obtint plus facilement qu'il ne l'espérait d'en faire une seconde. Cette seconde visite ne se fit pas attendre. Desgrais se présenta dès le lendemain. Un pareil empressement n'avait rien que de flatteur pour la marquise. Aussi Desgrais fut-il mieux reçu encore que la veille. Femme d'esprit et de condition, privée depuis près d'un an de toute communication avec les gens d'un certain monde, la marquise retrouvait en Desgrais ses habitudes parisiennes. Malheureusement, le charmant abbé devait quitter Liège sous peu de jours. Il n'en devint que plus pressant. Et la visite du lendemain fut demandée et obtenue dans toutes les formes d'un rendez-vous. Desgrais fut exact. La marquise l'attendait avec impatience. Mais, par une réunion de circonstances qu'avait sans doute préparée Desgrais, l'entretien amoureux fut troublé deux ou trois fois au moment même où, devenant plus intime, il redoutait davantage les témoins. Desgrais se plaignit d'une pareille importunité. D'ailleurs, elle compromettait la marquise et lui-même. Il devait des ménagements à l'habit qu'il portait. Il supplia la marquise de lui accorder un rendez-vous hors de la ville, dans un endroit de la promenade assez peu fréquenté, pour qu'il n'eût point à craindre d'être reconnu ou suivi. La marquise ne se défendit qu'autant qu'il était nécessaire pour donner plus de prix à la faveur qu'elle accordait, et le rendez-vous fut pris pour le même soir. Le soir arriva. Tous deux l'attendaient avec la même impatience, mais dans un espoir bien différent. La marquise trouva Desgrais au lieu convenu. Celui-ci lui offrit le bras, puis, lorsqu'il lui tint la main dans la sienne, il fit un signe, les archers parurent, l'amant déposa son masque, et Desgrais se fit connaître. La marquise était prisonnière. Desgrais laissa madame de Brinvilliers aux mains des sergents et courut en toute hâte au couvent. Ce fut alors seulement qu'il exhiba son ordre des 60, au moyen duquel il se fit ouvrir la chambre de la marquise. Il trouva sous le lit une cassette dont il s'empara et sur laquelle il appliqua les scellés, Puis il vint la rejoindre et donner l'ordre de partir. Lorsque la marquise vit la cassette entre les mains de Desgrais, elle parut d'abord atterrée. Puis bientôt, se remettant, elle réclama un papier qui y était enfermé et qui contenait sa confession. Desgrais refusa, et comme il se retournait pour faire avancer la voiture, la marquise essaya de s'étrangler en avalant une épingle. Mais un archer nommé Claude Rolla s'aperçut de son intention et parvint à la lui retirer de la bouche. Desgrais ordonna de redoubler de surveillance. On s'arrêta pour souper. Un archer nommé Antoine Barbier assistait au repas et veillait à ce qu'on ne mît sur la table ni couteau, ni fourchette, ni aucun instrument avec lequel la marquise se pût tuer ou blesser. Madame de Brinvilliers, en portant son verre à sa bouche comme pour boire, en brisa un morceau entre ses dents. L'archer s'en aperçut à temps et la força de le rejeter sur son assiette. Alors elle lui dit que s'il la voulait sauver, elle lui ferait sa fortune. Il lui demanda ce qu'il fallait faire pour cela. La marquise lui proposa de couper la gorge à Desgrais, mais il refusa en lui disant que, pour toute autre chose, il était à son service. En conséquence, elle lui demanda une plume et du papier, et elle écrivit cette lettre. « Mon cher Théria, je suis entre les mains de Desgrais, qui me fait suivre la route de Liège à Paris. Venez en hâte m'en tirer. » Antoine Barbier prit la lettre, promettant de la faire rendre à son adresse. Mais au lieu de cela, il la remit à Desgrais. Le lendemain, trouvant que cette lettre n'était point assez pressante, elle lui en écrivit une seconde dans laquelle elle lui disait que l'escorte n'était composée que de 8 personnes qui pouvaient être facilement défaites par 4 ou 5 hommes déterminés et qu'elle comptait sur lui pour ce coup de main. Enfin, inquiète de ne recevoir aucune réponse et de ne pas voir l'effet de ses dépêches, elle expédia une 3e missive à Théria. Dans celle-ci, elle lui recommandait sur son âme, s'il n'était point assez fort pour attaquer l'escorte et la délivrer, de tuer au moins 2 des 4 chevaux qui la conduisaient et de profiter du moment de trouble que produirait cet accident pour s'emparer de la cassette et de la jeter au feu. Autrement, disait-elle, elle était perdue. Quoique Théria n'eût reçu aucune de ces 3 lettres, qui avaient été successivement remises par Antoine Barbier à Desgrais, il ne s'en trouva pas moins de son propre mouvement à Maastricht, où la marquise devait passer. Là, il tenta de corrompre les archers en leur offrant jusqu'à 10 000 livres, mais les archers furent incorruptibles. À Rocroi, le cortège rencontra M. le conseiller Palot, que le Parlement avait envoyé au-devant de la prisonnière pour l'interroger au moment où, si attendant le moins, elle n'aurait pas eu le temps de méditer ses réponses. Desgrais le mit au fait de ce qui s'était passé et lui recommanda surtout la fameuse cassette, objet de tant d'inquiétudes et de si vives recommandations. Monsieur de Palot l'ouvrit et y trouva, entre autres choses, un papier intitulé « Ma confession ». Cette confession était une preuve étrange du besoin qu'ont les coupables de déposer leurs crimes dans le sein des hommes ou dans la miséricorde de Dieu. Déjà, comme on l'a vu, Sainte Croix avait écrit une confession qui avait été brûlée, et voilà que la marquise commet à son tour la même imprudence. Au reste, cette confession qui contenait 7 articles et qui commençait par ces mots « Je me confesse à Dieu, à vous, mon Père », était un aveu complet de tous les crimes qu'elle avait commis. Dans le 1er article, elle s'accusait d'avoir été incendiaire. Dans le 2nd, d'avoir cessé d'être fille à 7 ans. Dans le 3e, d'avoir empoisonné son père. Dans le 4e, d'avoir empoisonné ses 2 frères. Dans le 5e, d'avoir tenté d'empoisonner sa sœur, religieuse aux Carmélites. Les deux autres articles étaient consacrés aux récits de débauches bizarres et monstrueuses. Il y avait à la fois dans cette femme de la locuste et de la messaline. L'Antiquité ne nous avait rien offert de mieux. Monsieur de Palot, fort de la connaissance de cette pièce importante, commença aussitôt l'interrogatoire. Nous le rapportons textuellement, heureux que nous serons chaque fois que nous pourrons substituer les pièces officielles à notre propre récit. Interrogée pourquoi elle s'était enfuie à Liège, a dit s'être retirée de France à cause des affaires qu'elle avait avec sa belle-sœur. Interrogée si elle avait connaissance des papiers qui se trouvaient dans sa cassette, a dit que dans sa cassette, il y a plusieurs papiers de sa famille et parmi ces papiers, une confession générale qu'elle voulait faire, mais que, lorsqu'elle l'écrivit, elle avait l'esprit désespéré. Ne sait ce qu'elle y a mis, ne sachant ce qu'elle faisait, ayant l'esprit aliéné, se voyant dans des pays étrangers, sans secours de ses parents, réduite à emprunter un écu. Interrogée sur le premier article de sa confession, dans quelle maison elle a fait mettre le feu, a dit ne l'avoir point fait, et que lorsqu'elle avait écrit pareille chose, elle avait l'esprit troublé. Interrogée sur les six autres articles de sa confession, a dit qu'elle ne sait ce que c'est et ne se souvient point de cela. Interrogée si elle n'a point empoisonné son père et ses frères, a dit ne rien savoir de tout cela. Interrogée si ce n'est point Lachaussée qui a empoisonné ses frères, a dit ne savoir rien de tout cela. Interrogée si elle ne savait point que sa sœur ne devait pas vivre longtemps à cause qu'elle avait été empoisonnée, a dit qu'elle le prévoyait à cause que sa sœur était sujette aux mêmes incommodités que ses frères, qu'elle a perdu la mémoire du temps où elle a écrit sa confession, avoue être sortie de France par le conseil de ses parents. Interrogée pourquoi ce conseil lui a été donné par ses parents, a dit que c'était à cause de l'affaire de ses frères, avoue avoir vu Sainte-Croix depuis sa sortie de la Bastille. Interrogée si Sainte-Croix ne l'a pas persuadée de se défaire de son père, a dit ne s'en souvenir, ne se souvenant non plus si Sainte-Croix lui a donné des poudres ou autre drogue, ni si Sainte-Croix lui a dit qu'il savait le moyen de la rendre riche. À elle représentées 8 lettres et sommée de déclarer à qui elle les écrivait, a dit ne s'en souvenir, interrogée pourquoi elle avait fait une promesse de 1000 livres à Sainte-Croix, a dit qu'elle prétendait mettre cette somme aux mains de Sainte-Croix pour s'en servir en ce qu'elle en aurait besoin, le croyant de ses amis, qu'elle ne voulait point que cela parût à cause de ses créanciers, qu'elle en avait une reconnaissance de Sainte-Croix qu'elle a perdue dans son voyage, que son mari ne savait rien de cette promesse. Interrogée si la promesse a été faite avant ou après la mort de ses frères, a dit ne s'en souvenir et que cela ne fait rien à la chose. Interrogée si elle connaît un apothicaire nommé Glaser, a dit avoir été 3 fois chez lui pour ses fluxions. Interrogée pourquoi elle a écrit à Théria d'enlever la cassette, a dit ne savoir ce que c'était. Interrogée pourquoi, en écrivant à Théria, elle disait qu'elle était perdue s'il ne s'emparait de la cassette et du procès, a dit ne s'en souvenir. Interrogée si elle s'est aperçue pendant le voyage d'Offremont des premiers symptômes de la maladie de son père, a dit ne pas s'être aperçue que son père se fût trouvé mal en 1666 à son voyage d'Offremont, ni en allant, ni en revenant. Interrogée si elle n'avait pas eu commerce avec Penautier, a dit n'avoir eu commerce avec Penautier que pour 30 000 livres qu'il lui devait. Interrogée comment Penautier lui devait ses 30 000 livres, a dit que son ami et elle avaient prêté 10 000 écus à Penautier, qu'il leur a rendu cette somme et que depuis le remboursement, ils n'ont eu aucune relation avec lui. La marquise se renfermait, comme on le voit, dans un système complet de dénégation. Arrivée à Paris et écrouée à la conciergerie, elle continua de le suivre. Mais bientôt, aux charges terribles qui l'accablaient déjà, vinrent s'en joindre de nouvelles.